Chapitre 5 Caractère du vrai Dieu. C'est une chose merveilleuse que le Dieu de Jacob soit aussi le Dieu de l'Évangile. Que le Dieu qui lance la foudre soit encore le Dieu de paix et d'innocence. Il donne aux fleurs leur aimable peinture. Il fait naître et mûrir les fruits. Et leur dispense, avec mesure, et la chaleur des jours et la fraîcheur des nuits. Nous croyons n'avoir pas besoin de preuves pour montrer combien le Dieu des chrétiens est poétiquement supérieur au Jupiter antique. À la voix du premier, les fleuves rebroussent leur cours, le ciel se roule comme un livre, les mers s'entr'ouvrent, les murs des cités se renversent, les morts ressuscitent, les plaies descendent sur les nations. En lui, le sublime existe de soi-même, et il épargne le soin de le chercher. Le Jupiter d'Homère, ébranlant le ciel d'un signe de ses sourcils, est sans doute fort majestueux. Mais Jéhovah descend dans le chaos, et lorsqu'il prononce le Fiat Lux, le fabuleux fils de Saturne s'abîme et rentre dans le néant. Si Jupiter veut donner aux autres dieux une idée de sa puissance, il les menace de les enlever au bout d'une chaîne. Il ne faut à Jéhovah ni chaîne, ni essai de cette nature. Et quel besoin son bras a-t-il de nos secours? Que peuvent contre lui tous les rois de la terre? En vain, ils s'uniraient pour lui faire la guerre. Pour dissiper leur ligue, il n'a qu'à se montrer. Il parle, et dans la poudre, il les fait tous rentrer. Au seul son de sa voix, la mer fuit, le ciel tremble. Il voit comme un néant tout l'univers ensemble. Et les faibles mortels, vains jouets du trépas, sont tous devant ses yeux comme s'ils n'étaient pas. Achille va paraître pour venger Patrocle. Jupiter déclare aux immortels qu'ils peuvent se mêler au combat et prendre parti dans la mêlée. Aussitôt l'Olympe s'ébranle. Le père des dieux et des hommes fait gronder sa foudre. Neptune, soulevant les ondes, ébranle la terre immense. L'Ida secoue ses fondements et ses cimes. Ses fontaines débordent. Les vaisseaux des Grecs, la ville des Troyens, chancelle sur le sol flottant. Pluton sort de son trône, il pâlit, il s'écrie, etc. Ce morceau a été cité par les critiques comme le dernier effort du sublime. Les vers grecs sont admirables. Ils deviennent tour à tour le foudre de Jupiter, le trident de Neptune et le cri de Pluton. Il semble qu'on entende les gorges de l'Ida répéter le son des tonnerres. Citation grecque. Ces R et ces consonances en on, dont le vers est rempli, imitent le roulement de la foudre, interrompu par des espèces de silence. C'est ainsi que la voix du ciel, dans une tempête, meurt et renaît tour à tour dans la profondeur des bois. Un silence subi et pénible, des images vagues et fantastiques, succèdent au tumulte des premiers mouvements. On sent, après le cri de Pluton, qu'on est entré dans la région de la mort. Les expressions d'Homère se décolorent, elles deviennent froides, muettes et sourdes, et une multitude d'ess sifflantes imite le murmure de la voix inarticulée des ombres. Où prendrons-nous le parallèle? Et la poésie chrétienne a-t-elle assez de moyens pour s'élever à ses beautés? Qu'on en juge. C'est l'Éternel qui se peint, lui-même. Sa colère a monté comme un tourbillon de fumée. Son visage apparut comme la flamme, et son courroux comme un feu ardent. Il a abaissé les cieux, il est descendu, et les nuages étaient sous ses pieds. Il a pris son vol sur les ailes des chérubins. Il s'est élancé sur les vents. Les nuées amoncelées formaient autour de lui un pavillon de ténèbres. L'éclat de son visage les a dissipés, et une pluie de feu est tombée de leur sein. Le Seigneur a tonné du haut des cieux, le Très-Haut a fait entendre sa voix. Sa voix a éclaté comme un orage brûlant. Il a lancé ses flèches et dissipé mes ennemis. Il a redoublé ses foudres qui les ont renversées. Alors les eaux ont été dévoilées dans leurs sources. Les fondements de la terre ont paru à découvert, parce que vous les avez menacés, Seigneur, et qu'ils ont senti le souffle de votre colère. Avouons-le, dit la harpe, dont nous empruntons la traduction, il y a aussi loin de ce sublime à tout autre sublime, que de l'esprit de Dieu à l'esprit de l'homme. On voit ici la conception du grand dans son principe. Le reste n'en est qu'une ombre, comme l'intelligence créée n'est qu'une faible émanation de l'intelligence créatrice. Comme la fiction, quand elle est belle, n'est encore que l'ombre de la vérité et tire tout son mérite d'un fond de ressemblance.